Bonjour Sophie. Bonjour Émilie. Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais? Oui, alors je suis professeure de yoga et spirothérapeute sur Paris. Très bien, alors justement nous sommes là pour parler de spirothérapie, mais qu'est-ce que la spirothérapie? La spirothérapie, c'est la thérapie par le souffle. D'accord, et alors en quoi cela consiste-t-il exactement? Donc on va faire plusieurs types de respiration. Donc en fait la spirothérapie, ce sont des pranayamas. Donc ce sont des contrôles de la respiration. Mais on va plus être sur un aspect thérapeutique qu'un aspect ésotérique. Donc on va vraiment parler et expliquer ce qui se passe dans notre corps selon les méthodes qu'on va utiliser. Très bien. Et quels sont les principaux bienfaits et à qui est destinée la spirothérapie? Alors la spirothérapie, c'est pour tout le monde. Des enfants jusqu'aux personnes un peu plus âgées. On évitera par contre pour les femmes enceintes, parce qu'il y a souvent des respirations qui sont un petit peu dynamiques au niveau du diaphragme, donc on va éviter, surtout dans les premiers mois de grossesse. Et puis également les personnes qui auraient eu récemment une opération cardiaque. Et quels sont donc les principaux bienfaits? Alors on va assez rapidement, puisqu'au bout de 5 minutes de respiration, on va réguler en fait le taux de dioxyde de carbone et le taux d'oxygène dans le sang, et donc désacidifier le sang en ramenant un pH 7,4. Voilà. Très bien. Alors, en pratique, comment se déroule une séance type de spirothérapie? Alors, une séance type de spirothérapie, déjà, moi, je vais proposer en fait aux personnes un rituel du matin. Donc, le rituel du matin, c'est déjà de pouvoir se nettoyer toute la partie ORL, en fait, du visage. Donc, nettoyer son nez grâce au neti, le nettoyage, la douche nasale. Et puis, avec un gratte-langue également, se nettoyer donc la langue. Voilà, puisque ce sont quand même les premières entrées pour la respiration. Donc on essaie en fait d'avoir ces premiers filtres propres. Ensuite, on va commencer notre séance de spirothérapie assis confortablement. Ça peut être également sur une chaise ou même ça peut être debout. Donc parfois, on peut aussi faire des respirations debout et ou sur un canapé. L'essentiel, c'est vraiment de ne pas être complètement adossé et de vraiment garder toujours un dos droit. Voilà, ensuite, on commence par des respirations plutôt... qui régulent en fait ce taux donc, de dioxyde de carbone et d'oxygène et qui vont déjà calmer un petit peu. Et ensuite, on peut aller sur des respirations détoxifiantes, des respirations vitalisantes, voilà, plusieurs types de respirations, de méthodes. Très bien, donc on peut utiliser la spirothérapie pour se calmer, pour se rebooster, pour avoir un effet détoxifiant, c'est voilà, selon les besoins. Selon la demande, selon ce que vous recherchez, mais ensuite sur une séance type, ça peut être, on peut aussi voir toutes ces phases-là. Que se passe-t-il dans mon corps quand je pratique la spirothérapie? Quels sont les effets? Alors, les effets, en fait, sont sur les quatre phases de la respiration. À l'inspiration, on va ramener de l'oxygène dans le corps et donc dans le cerveau. La rétention poumon plein, elle va servir en fait aux échanges gazeux et également à réouvrir nos poumons. La surface des poumons, il faut savoir qu'elle est entre 100 et 140 mètres carrés. Vous voyez, il y a vraiment de la place. Ensuite, l'expiration, c'est pour se débarrasser des toxines, du dioxyde de carbone, mais aussi de 84% du gras qu'on rejette se fait dans l'expiration. Et enfin, la quatrième phase, là, c'est la rétention poumon vide. Donc celle-là, c'est celle qui est un petit peu compliquée à tenir. Parce qu'en fait, il y a comme un stress qui se crée. Le cerveau se dit, oula, il n'y a plus d'oxygène qui rentre là dans le corps. Tout de suite, il envoie une alerte à la rate, qui est un petit organe qui se trouve juste en dessous du cœur, et qui produit les globules rouges. Donc, le cerveau envoie l'information à la rate, j'ai besoin d'oxygène, il n'y en a plus qui arrive dans mon corps. La rate va en chercher dans les muscles, dans les autres organes, mais va également donc produire plus de globules rouges, qui va faire une plus grande captation d'oxygène à la prochaine inspiration. D'où un peu l'effet qui tourne un petit peu, ou de chaleur quand on reprend sa respiration. Voilà. Il faut savoir que 5 minutes de spirothérapie, donc de respiration, équivaut, vous allez réguler en fait votre taux de dioxyde de carbone et d'oxygène pendant 4 heures. Voilà, donc c'est quand même aussi bon à savoir que 5 minutes à peine et pendant 4 heures, vous avez ramené votre pH sanguin à un pH 7,4, un pH neutre. Et alors du coup, quelqu'un qui est sujet à une crise de panique, peut-il tout simplement se calmer à l'aide de la spirothérapie? Oui, tout à fait, mais on va peut-être éviter de faire justement cette dernière phase qui peut créer un stress supplémentaire. Donc on va rester uniquement sur des inspirations et des expirations tranquillement sur uniquement ces deux phases. Peut-être limite une petite rétention, mais on va peut-être même éviter complètement les rétentions. On va rester simplement sur des inspirations, des expirations conscientes. Et par exemple, je propose tout à fait de faire la respiration Ujjayi, où on inspire en resserrant légèrement la gorge, mais surtout on expire bouche en paille en laissant l'air sortir tout doucement, et ça va avoir un effet calmant tout de suite. Très bien. Et alors, les effets sont-ils immédiats ? Les effets sont immédiats, d'ailleurs on le ressent bien dans les pratiques, dans les respirations plus dynamiques, hein, on le ressent tout de suite, les effets, peut-être un petit peu de chaleur, la tête qui tourne un petit peu, puisqu'on va réoxygéner le cerveau, et puis on le ressent aussi tout de suite également quand on fait des respirations douces et calmantes, tout de suite on se sent comme dans un état un petit peu méditatif. Peut-on pratiquer seul ? On peut tout à fait pratiquer seul. On évite par contre les respirations comme Bhastrika ou Agnisara, qui sont des respirations assez puissantes, et des respirations qui peuvent provoquer un malaise vagal. Donc on évitera, hein, ce sont des respirations un peu trop puissantes, un peu fortes. Donc on va, par contre, on peut faire Kapalabhati. On peut faire ces respirations 2-3 fois dans la journée sans aucun problème. Il n'y a pas de contre-indication sur ces respirations en général, à part sur justement ces trois-là qui sont Kapalabhati, Bhastrika et Agnisara, qui sont considérées comme des respirations trans-respiratoires, donc beaucoup plus puissantes. Nous avons vu tout à l'heure que c'était contre-indiqué pour les femmes enceintes, mais y a-t-il d'autres contre-indications à la pratique de la spirothérapie ? Oui, également si vous avez un ulcère à l'estomac ou si vous avez eu une opération récente cardiaque, bien sûr. Mais bon, peut-être le mieux, c'est aussi de demander à votre médecin généraliste pour avoir vraiment son aval. Pour ceux qui souhaitent découvrir la spirothérapie, donc il y a des cours qui sont donnés. Nous mettrons en ligne quelques vidéos de méthodes grâce à Sophie Jean-Jacques. Sophie, où peut-on te retrouver ? Alors, vous pouvez tout à fait me retrouver, me poser des questions sur Instagram, sur mon compte Sophie Gigi Yoga Paris. Et je donne donc des séances de spirothérapie à la demande via Zoom. Puis sinon, je peux aussi également me déplacer. Vous pouvez également me retrouver le dimanche à 18h, donc ce sera moi ou mes collègues en fait, et mon professeur Samuel Ganes, où en fait on propose tous les dimanches à 18h sur Instagram un live sur le compte Spirothérapie, et voilà, un live de près 50 minutes où on est quatre en fait spirothérapeutes à vous proposer des respirations, des méthodes différentes. Sophie, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.